arriver. Good afternoon, Toronto. You're listening to Sous Pression here on CHRY 105.5 FM. My name is Mathieu. I'm going to be with you until the end of the hour, playing you some French language punk, ska, and hardcore. And this week, we're going to be doing a little homage to the French ska band L'Escalope, who decided to call it a day last week after 15 years of putting together some great, great, great songs. So we're going to be playing some of their stuff as well as some other great French language ska, a little bit of reggae maybe, and of course some punk. So stay tuned. Sous pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Et on a commencé l'émission avec ce fameux groupe français de ska, L'Escalope, qui, la semaine passée, ont annoncé la séparation du groupe après 15 années d'existence et deux excellents albums. Deux albums studio, je pense pas qu'ils ont fait des albums live, mais en tout cas. Alors, c'était une triste nouvelle qu'on a su la semaine passée. Encore pour moi, encore bien plus triste que la perte de Whitney Houston. Mais, tu sais, mes condoléances à la famille Whitney Houston. Mais Escalope, c'était une mauvaise nouvelle, mais on les remercie quand même pour nous avoir fourni avec l'excellente musique pendant 15 années. Et le groupe a bien sûr annoncé qu'ils feront leur concert qu'ils ont planifié dans les quelques prochains mois. Ils vont toujours les concerts. Alors, c'est pas fini à 100%, mais c'est fini, disons, peut-être à 98%. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire un petit hommage aux Escalope en faisant jouer une couple de leurs chansons, mais aussi en faisant jouer beaucoup de ska, des groupes de ska, aussi des groupes de un peu de reggae francophone, bien sûr, cette semaine à l'émission. Alors, on a commencé avec les Escalope, la chanson « Chasse à l'enfant » tirée de leur premier album studio du même titre, « Chasse à l'enfant ». Et je continue maintenant avec un autre groupe de ska de la France, le groupe « Les Frelons », de leur album « Mouvement non-stop ». Alors, voici la première chanson tirée de cet album-là, « Tous les matins ». Alors, voici « Les Frelons » à « Sous pression ». We'll be right back. c'était les Planet Smashers avec, avec Attitude Exagérée tirée de la compilation Two Tone 1, la première version de ces compilations. Je pense qu'ils sont rendus à comme 5 versions des compiles de ska en français. Et bien sûr, je pense une couple de chansons en anglais. Avant ça, c'était les Kingpins avec Simon vient danser le ska tiré de la même compilation. Alors, deux groupes montréalais. Planet Smashers existe toujours, si je ne me trompe pas, les Kingpins malheureusement n'existent plus. Avant ça, c'était les Frelons avec Tout le matin de leur album Mouvement Non-Stop. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et vous écoutez Sous Pression, l'émission de punk, ska et hardcore francophone aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Alors, cette semaine, on marque la fin, mais on fête la fin du groupe L'Escalope, mais on fête aussi la musique qu'ils nous ont laissée avec et pendant les 15 dernières années. En faisant une émission avec un côté très, très ska, beaucoup de chansons de ska cette semaine, même une couple de chansons reggae qui vont venir un peu plus tard. Bien sûr, des chansons qui mélangent le style du punk et du ska comme les Scalop l'ont fait très très bien en passant, selon moi. Alors, je vais faire jouer une chanson par un groupe Yabasta qui n'existe plus. C'est un groupe de ska qui a vu le jour, je pense fin des années 90 et qui se sont séparés au début des années 2000. La chanson que je vais faire jouer est tirée de leur album Lucha y Fiesta. C'est la chanson du même titre. Une excellente chanson par un excellent groupe. En fait, leurs deux albums studio, Lucha y Fiesta et Toujours Debout, sont deux excellents albums. Alors, je vais faire jouer Lucha y Fiesta et je vais continuer un peu plus tard avec d'autres chansons de ska, puis bien sûr, une chanson par L'Escalope. Alors, mais pour le moment, on continue avec Yabasta ici à Sous Pression. La lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha, la fiesta, la lucha Salut, vous écoutez Sous Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, dans le Grand Nord canadien, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM. On vient d'écouter L'Escalope, la chanson camisole tirée de leur album Yavendra Mitourno, leur deuxième album studio sorti en 2010. Je sais pas dire l'année passée, mais on est rendu en 2012. Le temps m'échappe. Là, je me suis tout mêlé. Camisole de l'album Yavendra Mitourno. Avant ça, on écoutait du Banlieue Rouge. Le serment de l'album Engrenage. Les partisans avant ça. Cavalerie avec Cavalerie Moderne de leur album Sono Mondial. Et on a commencé le bloc avec Diga Basta, la chanson Lucha y Fiesta. Parce que la lutte est importante, mais la fête aussi est importante. C'est cette chanson-là tirée de l'album du même titre. Alors, on est à mi-chemin là, de l'émission et il nous reste environ 30 minutes ensemble, mais on est rendu au temps où je vous rappelle que l'émission Sous Pression a un site web. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. C'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez, comme je dis, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web. Vous pouvez aussi la télécharger gratuitement à chaque semaine. On met les émissions en ligne ainsi que la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. Alors, si vous écoutez à la radio, vous dites, ah, ben, c'est une bonne chanson, là. Je l'aime bien, cette chanson-là. Comment s'appelle cette chanson? Allez visiter le site web et vous allez savoir. On met aussi, bien sûr, des liens vers des sites intéressants ou des vidéos concernant le monde du punk, du sky, du hardcore francophone. Comme aussi, on a parlé un peu sur le site web, de la séparation du groupe L'Escalope, où on fête cet hommage, cette semaine avec un petit hommage au groupe. En faisant jouer de leurs chansons et aussi on joue des chansons de Sky, un peu de reggae, un peu plus tard dans l'émission, pour marquer les 15 ans de leur existence. C'est une triste nouvelle, mais c'était quand même apprécier la musique qu'ils nous ont laissé avec pendant ces plusieurs années. Jamais eu la chance de les voir, par contre. J'aurais bien aimé ça, mais ils n'ont jamais eu la chance de venir en Amérique du Nord. C'est dommage, mais c'est la vie. Je suis certain qu'il y a bien des groupes canadiens qui vont... Ou même américains qui n'ont jamais la chance d'aller voyager en Europe. Alors, ça marche un peu des deux côtés. Alors, c'est ça. Ah non, c'est pas tout. Je veux aussi vous rappeler que l'émission a une présence sur Facebook. C'est le facebook.com/sous-pression. Facebook.com/sous-pression. Aussi, si vous êtes sur Facebook, une façon de vous tenir à jour avec ce qui se passe sur l'émission ici, dans le monde du punk, sky, du hardcore francophone. Et si vous avez des demandes spéciales, des plaintes même, des commentaires, ou si vous faites partie d'un groupe, vous voulez partager votre musique avec nous, vous pouvez nous envoyer un courriel sous pression à commercial chry.fm, sous pression à commercial chry.fm. Alors c'est toutes les annonces que j'ai à faire pour le moment. Je vais continuer en musique avec une chanson du 8-6 Crew, le 8-6 Crew qui ont sorti un album, leur plus récent album Old Reggae Friends en 2010 sur le label Une Vie pour Rien. Et Une Vie pour Rien va sortir le 22 février, je crois, le split entre... ça, j'étais excité pour ça. Le split entre... comment le groupe s'appelle? Stamper 98, je pense, et Marabouts. Marabouts, c'est un groupe qu'on fait souvent jouer ici à Sous Pression. Et qui s'est mérité le top 1, le numéro 1, c'est le top 5 du punk, sky, hardcore et du way francophone de 2011, selon Sous Pression. Alors, je suis excité pour ça, puis on va voir si je vais pouvoir me procurer leur musique pour faire jouer en onde. Mais en attendant, je vous fais jouer du 8-6 Crew, Old Reggae Friends, la chanson Le Juge, ici, à Sous Pression. Monsieur le juge, non je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non monsieur le juge, non je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non monsieur le juge, hey, non je n'ai pas d'excuses, mais je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Non monsieur le juge, non, non je n'ai pas d'excuses, je réponds non coupable de tous les crimes dont on m'accuse. Le système abuse et c'est inacceptable. Refuse à certains ce qui est même l'indispensable. Quand y'a tout qui augmente et que les prix grimpent en flèche, ils t'ont mis en attente et toi t'es toujours dans la dèche. Pendant ce temps-là, on s'ennuie pas chez les chefs de l'État. Déroule tapis rouge pour le premier ministre chinois. Président est accueillant, mais est-ce qu'on dépend des efforts? Il dépense sans compter, mais il sait compter. mais tu n'as pas le choix. Fais une bouffée de ton air, bon ça tu n'y as pas droit. Famille, un céréal, proverbe, man, si tu ne sais pas quoi faire, y'a bien le temps pour la guerre, quand les trucs sont ouverts. Nos questions à couvert, les pions veulent y voir plus clair. Puis on les laisse faire, et là c'est le retour en arrière. Moi je fais le tour par derrière, s'il y a quelqu'un tu cries à terre. Tiens des gains, tu reviens, on ne va pas foutre en l'air. L'opération est claire, opération coup de tonnerre. Une éradication à la façon militaire. Il me faut un portable, un com redoutable. Un pro, un expert qui s'y connaît en la matière. Il est chaud comme une braise, le sang froid comme une cèze. Un changé au rapport. Même sera nous seuls une nation. Pas son business, je te dis, il faut que je t'arrête. On forme à nous tous une nation. Nation! On se sera pas

Jamais seul par Impact ici à Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVA 103.5 FM à Yellowknife. Notre temps semble tirer malheureusement à sa fin, mais j'ai le temps de vous faire jouer une dernière chanson avant de vous quitter. Mais avant de vous quitter, je vais lire un petit message. Des membres de l'Escalope sont en écoute en ce moment, en direct en France, alors je vous dis bonjour. et ils m'ont demandé de faire passer un message à tous ceux celles qui écoutent. Alors, je vais lire le message de la part des Scalopes. Le message, c'est que... allons-y, je vais le lire mot pour mot. Alors, nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont écoutés et écrit des messages durant toutes ces années de l'autre côté des mers. Nous n'avons jamais eu la chance de venir vous voir. C'est un de nos grands regrets. Mais d'ici, ça fait très plaisir qu'une émission comme... Sous Pression existe. Et bien sûr, je suis certain que le message s'applique aussi à tous ceux et celles qui leur ont écrit qu'une mission comme Sous Pression existe et que, bien sûr, que les fans existent. Longue vie à Sous Pression. Alors, je vous remercie beaucoup. Et surtout, un grand merci à tous. Et vive le ska. Et bien sûr, je partage bien le message de vive le ska. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je remercie, bien sûr, certains... Je remercie très bien les membres des Scalopes qui écoutent en ce moment. J'espère que vous avez bien apprécié l'hommage que ça fait. Ça vous a, j'ai bien marqué, disons, la fin de cette époque des Scalopes, de fin de 15 bonnes années d'existence et de deux excellents albums. Je vous laisse avec une dernière chanson par les Scalopes de leur dernier album studio Yavendra Mitourneau. Je pense que c'est ma chanson préférée par le groupe. Je la fais souvent jouer à l'émission. C'est Debout par les Scalopes. Alors, passez une excellente semaine. On te remercie bien remercie les Scalopes qui écoutent en ce moment. Et pour écouter d'autres chansons par les Scalopes à l'avenir, écoutez toujours Sous Pression parce qu'on continuera à les faire passer en onde. Alors, voici Debout par les Scalopes. Passez une excellente semaine.